Étude 1, du 29 septembre au 5 octobre, création et chute. Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse, chapitre 15, les versets 5 et 6. Il mena Abraham en dehors et lui dit « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. L'histoire du peuple de Dieu commence par la création des humains et leur chute tragique dans le péché. Si l'on veut tenter de comprendre la nature de l'unité en Christ dans l'Église, il nous faut commencer par le plan originel de Dieu à la création, puis par le besoin de restauration après la chute. Les premiers chapitres de la Bible révèlent que Dieu voulait que l'humanité reste une famille. Malheureusement, cette unité fut brisée après la tragédie du péché. C'est dans le péché seul que se trouvent les racines de la désunion et de la division, davantage comme les conséquences d'une désobéissance odieuse. Nous avons une indication de cette division dans l'interaction immédiate entre Adam et Ève au moment où Dieu s'est approché d'eux après qu'ils aient mangé du fruit interdit. Ainsi, parmi tout ce que le plan du salut va accomplir, la restauration de cette unité originelle est un but crucial. Abraham, le père du peuple de Dieu, est devenu un élément clé dans le plan du salut divin. Abraham est décrit dans la Bible comme le grand exemple de la justification par la foi. Ce genre de foi qui unit les membres du peuple de Dieu les uns aux autres et au Seigneur lui-même. Dieu agit à travers les gens pour restaurer l'unité et pour faire connaître sa volonté à l'humanité perdue.